t'es paré. Même en pleine tête, ben Tiger. Joue pas les Tiger. Ici ça vend la bagarre. Envoie des litres en pagaille. Pardonnez-moi, j'suis dans ma favela. Pardonnez-moi, ils sont chocs derrière une caméra. Tu me jettes l'œil quand je fais mes bises. Je me connais, je commence à serrer. T'es pas fou, sinon ça serait. J'ai plus de monnaie, son cœur je l'ai volé. Faut pas t'appauler, même si tu les vois me coller. On va faire une vendetta. On a acheté des armes. C'était tous mes gars. Maintenant je les vois pitant.